Oui, dans la gueule. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 1er juin et nous souhaitons une bonne fête au Justin, ça vient du latin raisonnable. Ouvert, confiant, sociable, volontiers, jovial, Justin a une personnalité attachante. Il est sympathique, chaleureux et non dépourvu d'un certain charisme. Adaptable, il se sent vite à l'aise partout et recherche la société. Bavard et communicatif, il possède des facilités d'élocution et de persuasion certaine et parfois même quelques dons d'imitateur, d'autant qu'il est vif, perspicace et observateur. Épicurien, c'est un sensuel fait pour le bonheur. Content de lui-même, il pourrait passer pour vaniteux s'il n'était pas aussi désarmant de naïveté et de sympathie. Curieux de tout, son principal défaut est de se disperser en n'allant pas toujours au fond des choses. Et il se montre parfois superficiel, se fie trop à ses facilités et est l'ennemi des efforts prolongés. De par la présence importante du nombre 3, Justin est un être rayonnant, souriant, que l'on remarque et à qui l'on s'attache. À lui de bien profiter des atouts exceptionnels dont il est doté et d'en faire une utilisation judicieuse et positive. Lorsqu'on possède de telles facilités, les risques d'erreur et de dispersion sont tout aussi importants, c'est le revers de la médaille. Dicton du jour, à Saint-Justin est à graines le plantain. Soleil de Saint-Justin augure bel épi et bon pain. À la Saint-Justin, soleil de juin, lui de grand matin. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée de l'enfance, également appelée fête des enfants dans plusieurs pays, dont l'Albanie, la France, l'Angola, la Russie, la Géorgie, la Pologne, l'Arménie, la Bulgarie, la Chine, l'Équateur, le Portugal et ses anciennes colonies, la Roumanie et la Slovaquie entre autres. C'est également la journée mondiale des parents, adoptée par la résolution du 17 septembre 2012 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Journée mondiale du lait, établie par la FAO depuis 2001. Aux États-Unis, dans les États du Kentucky et du Tennessee, c'est la fête de l'État qui commémore l'adhésion à l'Union. Et Samoa, c'est la fête nationale des Samoa occidentales. Ça s'est passé un 1er juin 1663, première de la critique de l'école des femmes de Molière au théâtre du Palais Royal. En 1792, le Kentucky devenait le 15e État des États-Unis. 1796, le Tennessee devenait le 16e État des États-Unis d'Amérique. Et en 1855, c'était la première publication des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Allez, tout de suite, première pause musicale, les Rolling Stones et leur titre Satisfaction. Les Rolling Stones sur RGM, presque 8h38. On parle anniversaire. Ils sont nés un 1er juin 1937, naissance de Morgan Freeman, acteur américain vu dans Robin des Bois, prince des voleurs, dans le rôle d'Azim, impitoyable, Seven, Deep Impact, le masque de l'araignée, Bruce Tout-Puissant et Evan Tout-Puissant dans le rôle de Dieu, Million Dollar Baby dans le rôle d'Eddie Dupree qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, vu également dans Danny the Dog, Batman Begins, The Dark Knight, le Chevalier Noir et The Dark Knight Rises dans le rôle de Lucius Fox, Gone Baby Gone dans le rôle de Jack Doyle, Invictus dans le rôle de Nelson Mandela, L'incroyable histoire de Winter le Dauphin 1 et 2 dans le rôle du docteur McCarthy, Oblivion, la chute de la Maison Blanche et la suite, la chute de Londres dans le rôle d'Alan Trumbull, le vice-président des États-Unis, vu également dans Insaisissable 1 et 2 dans le rôle de Thaddeus Bradley, Lucie de Luc Besson dans le rôle du professeur Samuel Norman, en 2016 dans Ben-Hur et plus récemment en 2017 dans Braquage à l'ancienne. 1946, naissance de Brian Cox, acteur britannique vu dans Le Sixième Sens dans le rôle du docteur Hannibal Lecter, Braveheart dans le rôle d'Argyle Wallace, X-Men 2 dans le rôle de William Stryker, dans 3 dans le rôle d'Agamemnon, La Mort dans la Peau, Matchpoint, La Planète des Singes, Les Origines ou encore Churchill dans le rôle de Winston Churchill. 1947, naissance de Jonathan Pryce, acteur britannique vu dans Brazil dans le rôle de Sam Lurie, dans Demain ne meurt jamais dans le rôle d'Eliot Carver, dans Pirates des Caraïbes 1, 2 et 3 dans le rôle de Weatherby Swan, Les Frères Grimm, G.I. Joe et G.I. Joe Conspiration dans le rôle du président des États-Unis, ainsi que dans les saisons 5 et 6 de Game of Thrones dans le rôle du Grand Moineau. C'est également l'année de naissance de Ron Wood, musicien britannique, guitariste des Rolling Stones. 1957, naissance de Gilles Benizio, humoriste acteur français connu sous le nom de Dino, du duo qu'il forme avec son épouse Shirley et Dino. 1960, naissance de Simon Galoup, bassiste du groupe The Cure, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre Boys Don't Cry. Voilà pour l'extrait du groupe The Cure. On continue les anniversaires. 1968, naissance de Karen Mueller, mannequin néerlandaise. 1973, naissance d'Heidi Klum, mannequin, actrice, styliste, animatrice, téléproductrice, femme d'affaires germano-américaine. On a pu l'apercevoir dans Zoolander, Le Diable s'habille en Prada, les séries télé Sex and the City, Les Experts Miami, How I Met Your Mother et Desperate Housewives. Et depuis 2013, elle est juge jurée dans America's Got Talent. 1974, naissance d'Alanis Morissette, chanteuse canadienne. 1977, naissance de Sarah Wayne-Callis, actrice américaine connue pour son rôle du docteur Sarah Tancredi dans la série Prison Break et son rôle de Laurie Grimes dans The Walking Dead. 1982, naissance de Justine Henin, ancienne joueuse de tennis belge qui a fait carrière de 1999 à 2011, qui a été numéro 1 mondial en 2003, qui a gagné 4 fois Roland-Garros, 2 fois l'US Open, 1 fois l'Open d'Australie, elle a été deux fois finaliste à Wimbledon. En double, elle a été demi-finaliste à Roland-Garros. Elle a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques en simple, c'était en 2004. Elle a également remporté une Fed Cup en 2001 et une Hopman Cup en 2011. 1983, naissance de Jake Silberman, acteur américain connu pour son rôle de Noah Meyer dans la série télé As the World Turns. 1988, naissance de Christine and the Queens, chanteuse française. 1996, naissance de Tom Holland, acteur britannique, découvert dans The Impossible dans le rôle de Luca Bennett, connu surtout pour le rôle de Peter Parker alias Spider-Man dans Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, qui est sorti dernièrement au cinéma. Il reprendra ce rôle également en 2019 dans Avengers 4 et dans la suite de Spider-Man Homecoming, sortie prévue également pour 2019. En 2000, naissance de Willow Shields, actrice américaine connue pour son rôle de Primrose Everdeen dans la saga des Hunger Games. En 1841, décédé Nicolas Appert, inventeur français qui fut le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les stérilisant par la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles tels que des bouteilles en verre puis des boîtes métalliques en fer blanc. 1985, décédé Richard Greene, acteur britannique connu pour son rôle de Robin des Bois dans la série télé du même nom. Et en 2008, on apprenait le décès d'Yves Saint-Laurent, célèbre couturier français. Allez, petite pause musicale avec Alanis Morissette et son titre « Hand in my pocket ». Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving up. Alanis Morissette sur le 107 FM. Il est 8h47 et il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. Alors ça y est, nous ne sommes plus en vigilance orange pour les orages, mais vigilance toujours, même si ce matin on a quand même quelques éclaircies. La pluie devrait nous embêter qu'à partir de cet après-midi. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 19 et 21 degrés cet après-midi. Et pour ce week-end, eh bien, on devrait avoir un week-end plutôt agréable avec des éclaircies, hein, que ce soit pour samedi ou dimanche. Alors en ce qui concerne les températures de samedi, elle devrait être comprise entre 13 et 14 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés l'après-midi. Pour dimanche, entre 14 et 15 degrés le matin et entre 22 et 24 degrés pour dimanche après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur toute l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football féminin. Hier soir avait lieu la finale de la Coupe de France qui a d'ailleurs été interrompue pendant plus d'une heure à cause des orages. Et au final, c'est le Paris Saint-Germain qui s'impose 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. La nouvelle qui a remué le sport hier nous vient de Zinedine Zidane qui a annoncé en conférence de presse hier après-midi qu'il quittait le Real Madrid. 5 jours seulement après avoir remporté sa 3e Ligue des Champions consécutive en tant qu'entraîneur, Zizou a déclaré « Il faut savoir s'arrêter. Je me sens bien, ce n'est pas une belle journée, c'est un moment compliqué, mais je ne suis pas triste. » Il a également déclaré « Je ne cherche pas d'autres clubs. » Et alors, suite à cette nouvelle, eh bien, beaucoup le voient en tant que sélectionneur de l'équipe de France. D'ailleurs, Didier Deschamps n'a pas échappé à cette question en conférence de presse hier après-midi à Nice. Mais voilà, pour l'instant, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Il y a une Coupe du Monde à préparer et pourquoi pas à gagner. Donc voilà, pour Zizou à la tête de l'équipe de France, je pense que ça arrivera. Mais voilà, pour l'instant, on ne va pas non plus déstabiliser le camp français qui joue ce soir un match amical contre l'Italie. Alors, composition probable de l'équipe de France. Dans les buts, Lloris. Alors ensuite, on aura Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez, Tolisso, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann et Dembélé. Et côté remplaçant, Mandanda, Areola, Sidibé, Varane, hein, qui a rejoint le groupe France depuis quelques jours maintenant, Kimpembe, Mendy, Nzonzi, Matuidi, Fekir, Lemar, Thauvin et Olivier Giroud. Voilà donc pour la page football. On parle maintenant basket avec la finale de NBA. Avantage Golden State qui s'est imposé cette nuit après prolongation 124 à 114 face à Cleveland. Le match numéro 2 aura lieu dimanche. Un mot de handball, messieurs, hier soir c'était le dernier match pour Daniel Narcisse avec le Paris Saint-Germain et qui a d'ailleurs été sacré champion de France pour la 4e fois consécutive. Un mot de hockey sur glace avec la finale des playoffs de NHL, Las Vegas-Washington, match numéro 3 samedi, match numéro 4 lundi. Un mot de canoë-kayak avec ce week-end la dernière compétition en République tchèque à Prague pour Gauthier Klaus et Mathieu Péché. Et on va terminer cette actualité sportive avec le tennis et le tournoi de Roland-Garros, honneur aux dames. Caroline Garcia s'est qualifiée en 3-7 face à Peng, 6-4 3-6, 6-3. Et malheureusement, Ferro s'est incliné en 2-7 hein, face à Muguruza, 6-4, 6-3. Alep s'est qualifié en 2-7 face à Townsend. Serena Williams s'est qualifiée en 3-7 face à Barty, 3-6, 6-3, 6-4. Sharapova s'est qualifiée en 2-7, tout comme Gorge et Mertens et Angélique Kerber. Pliskova, elle s'est qualifiée en 3-7 et a noté l'élimination de la tête de série numéro 15, Van de Veek, qui est éliminée en 3-7 par Tsurenko. Au programme d'aujourd'hui, Pauline Parmentier affrontera Wozniacki. Il y aura également les matchs de Stephen Skiz, Kvitova, Svitolina et Gazatkina. Allez, côté messieurs, Lucas Pouille s'est qualifié en 4-7 face à Norris, 6-2, 6-4, 5-7, 7-6. Julien Beneteau, lui, s'est malheureusement incliné en 3-7 face à Juan Martín Del Potro, 6-4, 6-3, 6-2. C'était d'ailleurs son dernier Roland-Garros, son 16e Roland-Garros. Le cours central hein, lui a rendu un bel hommage, tout comme Juan Martín Del Potro d'ailleurs. Donc voilà, hein, c'est Julien Benneteau qui arrête sa carrière dans quelques mois. Et donc voilà, lui qui a vécu de belles émotions, notamment à Roland-Garros. Et bien voilà, c'était donc la fin pour le joueur français de 36 ans. Richard Gasquet s'est qualifié en 4-7 face à Jaziri, 6-2, 3-6, 6-3, 6-0. Herbert s'est qualifié en 5-7 face à son compatriote Jérémy Chardy, 2-6, 6-3, 6-2, 3-6, 9-7 dans le 5ème set. Raphaël Nadal s'est qualifié en 3-7 face à Peya, 6-2, 6-1, 6-1. Cilic et Edmund se sont tous deux qualifiés en 4-7. Schwartzman s'est qualifié en 3-7. Anderson s'est qualifié en 4-7. Fonini s'est qualifié en 3-7. Dominic Thiem s'est qualifié en 4-7 face à Tsitsipas, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4. Et John Isner s'est qualifié en 4-7. Au programme d'aujourd'hui, Lucas Pouille affrontera Kachanov. Gaël Monfils affrontera Goffin. Gilles Simon sera opposé à Kei Nishikori. Alexander Zverev affrontera Zumur. Novak Djokovic affrontera Bautista Agut. Dimitrov sera opposé à Verdasco. Il y aura également les matchs de Dominic Thiem et Carreño Busta. Et samedi, le match que tout le monde attendait entre Richard Gasquet et Rafael Nadal, eh bien, aura bien lieu. Hein. Avantage, bien évidemment, Nadal, puisqu'à chaque fois qu'ils se sont rencontrés, c'est l'Espagnol qui s'est imposé. Et bien voilà, j'ai fait le tour de l'actualité sportive. On va donc marquer notre dernière pause musicale avec Christine and the Queens et son titre Paradis perdu. So I'm and the Queen sur RGM. Il est un peu plus de 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, un épisode d'Ours et Carottes. 10h, deuxième épisode d'Ours et Carottes. 13h30, la rediffusion de la chronique BD de Camille. 14h, rediffusion de Jim et Jouvelu avec Dominique. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 17h, rediffusion de Priado de la médiathèque. 18h, l'heure des loups avec Lou, spécial billet de sortie. 21h, vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve exceptionnellement mardi matin. Je vous souhaite en attendant une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.